Bonjour les amis. Fisher Island est le lieu le plus cher du monde et l'une des communautés les plus fermées des États-Unis. C'est ici que vit le plus grand nombre de milliardaires et de multimillionnaires par mètre carré de la planète. Entouré de plages de sable importées des Bahamas, plantées de palmiers et d'orchidées importées de l'océan Indien et du Pacifique Sud, rempli des cris de toucans et des aras en cage. Des serviteurs spéciaux sortent les cages à l'air libre, pour ainsi dire, pour promener les oiseaux chaque jour. L'île Fisher est surnommée l'île de rêve. Tout a commencé en 1906, lorsque la ville sur l'eau a entamé son existence administrative. Avant 1906, l'endroit n'était même pas une île, juste une partie de Miami Beach. Tout a changé lorsque, pour faciliter le passage vers le port de Miami, le gouvernement a décidé de creuser un canal sur l'île susmentionnée, formant ainsi une île. 12 ans plus tard, le propriétaire de l'île, Herman Walker, la vend à Dana Dorsey, le premier millionnaire afro-américain. Dorsey le revend à son tour à Carl Fisher, le roi de l'immobilier. Et la zone de construction s'agrandit à vue d'œil. Mais un an plus tard, Fisher, voyant la merveille de la conception des navires, le yacht de 250 pieds de William Vanderbilt, un visiteur fréquent de la Sunshine Coast, a déclaré « Votre yacht en échange de mon île ». La transaction légendaire a eu lieu en 1920 et transfère 3 hectares de terre insulaire à la propriété de Vanderbilt, qui double rapidement sa superficie. Après 16 ans, la construction d'une luxueuse résidence de style méditerranéen avec une pléthore de maisons d'hôtes, d'élégants pavillons, de piscines, de cours de tennis et de jardins paysagers élaborés commence. L'ensemble a été achevé en 1941. Il sert de résidence d'hiver à la famille et de plateforme pour de brillantes réunions sociales. Après une succession de ventes dans les années 40, Garfield Wood, un entrepreneur, ingénieur de talent et inventeur du palan hydraulique, devient propriétaire du domaine. Il a passé 25 ans travaillant sur la conception d'une voiture électrique et de bateaux militaires. Dans les années 70, les propriétaires fonciers et immobiliers changent. Et à partir des années 90, l'industrie touristique commence à prospérer grâce au Fisher Island Club et à son service exceptionnel aux résidents et aux visiteurs. En 2007, une vaste restauration de la résidence historique des Vanderbilt est en cours. De nouveaux bâtiments viennent s'ajouter aux pavillons de plage et aux villas de l'hôtel d'origine. La zone du terrain de golf est aménagée et le hangar à avions est transformé en spa et centre de remise en forme. L'aménagement paysager et le développement de l'île Fisher, qui ont commencé dans les années 1980, sont maintenant presque terminés. L'île artificielle fait moins d'un kilomètre carré et présente un contour de rivage essentiellement géométrique. La plupart des habitants et des touristes de Miami ne peuvent voir cette île que de l'autre côté du détroit, et pas autrement. Une vue à vol d'oiseau de l'île révèle les réserves de carburant dans d'énormes réservoirs. Cet endroit peut être complètement autonome pendant des semaines. Dans le centre et le nord-est de l'île, on trouve des terrains de golf à 9 trous avec des étangs artificiels et un aménagement paysager exquis. À l'extrémité sud de l'île, il y a 18 courts de tennis équipés d'un système d'éclairage nocturne. Des allées paysagées serpentent autour du périmètre des terrains de golf et sont bordées de groupes pittoresques d'immeubles d'habitation bas dotés de piscines extérieures et de verdure décorative. Seules les personnes très riches viennent sur l'île Fisher. Millionnaires, entrepreneurs, stars de cinéma, champions sportifs et autres. Les célébrités de Fisher Island séjournent dans des chambres luxueuses aménagées dans la résidence restaurée des Vanderbilt, ainsi que dans des maisons d'hôtes. L'île compte également un certain nombre de villas modernes et confortables. Les prix des propriétés varient entre 800 000 et 32 millions de dollars. L'île compte plusieurs complexes hôteliers de luxe, une école primaire jusqu'à la 7e année, un bureau de poste et une banque, des épiceries et des restaurants gastronomiques. L'île possède même son propre observatoire et sa propre caserne de pompiers. L'île est gardée 24 heures sur 24 par son propre service de sécurité. Comme l'île n'est pas reliée par un pont, on ne peut y accéder que par l'eau. À cet effet, il existe un service de ferry disponible 24 heures sur 24 au départ du terminal d'Island Road. Le ferry pour l'île s'apparente à un passage de frontière. Il n'y a pas de ligne séparée pour les voitures des résidents et des invités de la ligne pour les cuisiniers travaillant sur l'île. Il est également utile de rappeler que l'île étant privée, vous ne pouvez pas y venir sans y être invité. Le garde de la brigade vérifie les documents de chaque passager de la voiture et les compare à la liste des invités. C'est pour ça qu'il n'y a pas du tout de crime ici. Donc, si vous ne voyez aucun ami ou parent sur la liste des résidents, le seul moyen d'entrer est de louer une chambre de luxe à l'hôtel. Le prix d'une nuit est parfois bien supérieur à 1 000 $. Il n'y a que 700 résidences sur l'île, donc tous les résidents se connaissent de vue. Cependant, pour la plupart des résidents, l'île n'est pas un foyer permanent. Il peut s'agir de leur 3e, 5e ou 10e maison. En moyenne, environ 1000 personnes vivent sur l'île. Mais seulement 30% environ des résidents de l'île y vivent toute l'année. En basse saison, il peut y avoir plus de jardiniers et de femmes de ménage que de résidents eux-mêmes. Fisher Island est l'un des rares endroits au monde où les voiturettes de golf électriques sont le principal moyen de transport. Les parties sud-ouest et sud de l'île disposent de marinas pour yachts et bateaux de plaisance qui peuvent accueillir des yachts privés. À l'extrémité orientale de l'île Fisher, une zone de villégiature a été aménagée au bord de l'océan Atlantique avec une plage de sable de 700 mètres de long pour un confort maximal. Les installations publiques et de services nécessaires ont été construites sur l'île, qui est desservie par un personnel de 500 personnes. Une redevance de 250 000 $ par an doit être payée pour le droit d'utiliser tout cela. Les restaurants locaux ne prennent pas d'argent ni de carte de crédit. Chaque résident ouvre un compte au restaurant où il dépose de l'argent, puis le retire lorsqu'il se rend dans l'établissement. Il a ses propres règles et, à certains égards, ses propres lois. La circulation est à sens unique sur l'île. La limite de vitesse n'est pas la même qu'ailleurs aux États-Unis. Exactement 19 miles par heure, environ 31 km par heure. Un nombre impair qui vous fait réfléchir et ralentir pour un moment agréable et bien reposé. Il existe une autre règle stricte à Fisher Island. Quels que soient les noms et les sociétés offshore qui se cachent derrière les propriétaires locaux sur les documents officiels, vous devez écrire votre vrai nom sur votre appartement. Cette règle est particulièrement mal appréciée par les fonctionnaires russes qui ont également des appartements sur l'île. Il y a plusieurs histoires curieuses associées à l'île. Les clandestins cubains qui se faufilent de nuit à Miami en bateau confondent souvent Fisher Island avec le continent et débarquent sur l'île sans savoir qu'il n'y a pas d'issue. Les clandestins sur l'île sont arrêtés par la sécurité en quelques heures. L'île perd progressivement de sa popularité auprès des stars américaines, mais elle est de plus en plus habitée par des personnes riches et des fonctionnaires de Russie. Et ce, malgré le fait que ces derniers, pour un public interne, les Russes ordinaires, ne cessent de dénigrer le monde occidental, mais préfèrent ce même Occident à la Russie. Il y a beaucoup de riches de Russie et du Brésil qui ont l'habitude de se déplacer avec des gardes de sécurité dans des voitures blindées. Afin de profiter pleinement du service de classe mondiale inégalée, les résidents doivent devenir membres du Fisher Island Club. La cotisation unique requise pour rejoindre le club est de 250 000 $. L'adhésion au club vous donne des privilèges, notamment l'accès au country club exclusif du sud de la Floride, au club de tennis, au restaurant gastronomique, au spa et au centre de bien-être, au marina, à l'accès à la plage privée et au club de plage snooker, au Vanderbilt Swimming Pool Club. Vous pouvez également participer aux événements exclusifs du club. Cette île a été cédée pour dette et échangée contre des yachts. Pendant un temps, Fisher Island a appartenu à la célèbre famille de Magnat Vanderbilt. Elle a même été la propriété de Richard Nixon, juste avant qu'il ne devienne président des États-Unis. L'île offre des vues spectaculaires sur les quatre coins du monde à la fois. Les propriétaires des logements d'élite de Fisher Island sont des financiers internationaux de renom, des dirigeants de grandes entreprises, ainsi que des représentants de l'élite créative et sportive de plus de 50 nationalités. Une île fermée et confortable est la meilleure solution pour ceux qui aiment profiter du luxe sans trop d'artifice ou de battage médiatique. C'est tout mes amis. Aimez la vidéo si vous la trouvez intéressante, écrivez un commentaire et à bientôt.